L'inconnu d'Haussmann. Dans le métro, les gens ne se regardent jamais dans les yeux. Moi, ça faisait des semaines que je regardais furtivement ce garçon quand je le croisais sur la ligne 7. Je l'avais baptisé l'inconnu de la station Opéra. Parce que chaque matin, il descendait là, à l'Opéra. L'inconnu d'Haussmann. Une série podcast du comité Haussmann Paris. Les avenues qui rayonnent en étoiles m'ouvrent des perspectives infinies, encadrées d'immeubles haussmanniens. Face à moi, l'Opéra resplendit. À retrouver sur toutes les plateformes et sur haussmannparis.com. C'est le moment d'y mettre un terme à ce 5-7 et c'est Frédéric Sigrist qui s'y colle avec Blockbuster. Alors ce matin, c'est la fin de l'enfance, Frédéric. Oui, Laetitia, car j'ai identifié précisément le jour et l'heure où j'ai dit adieu au petit garçon que j'étais. C'était le jeudi 13 septembre 2018 à 19h34 lors d'une réunion de copropriété. Je me suis entendu prendre la parole pour parler de traces de pneus laissées par des voitures de particuliers sur le gazon des espaces communs et j'étais même pas bourré. Personne m'avait forcé. Je me suis entendu chiant comme la lecture d'un rapport de la Cour des comptes un dimanche pluvieux dans la banlieue de Charleroi. À ce moment précis, mentalement, j'ai vu l'enfant que j'étais me tourner le dos et me faire un doigt d'honneur en partant. Et là, j'ai su que j'étais un adulte. Et cette semaine, ça m'a fait pareil en apprenant la disparition de Claude Lombard. Claude Lombard, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est elle qui chantait ça. Oh Lucille, embrasse-moi. Le générique de Lucille embrasse-moi aussi, connu sous le nom de Lucille Amour et Rock'n'Roll sur TF1, ce dessin animé cuculte qui passait sur la 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie. Alors on est en 1988 et je vous parle d'une époque où les écrans n'étaient évidemment pas encore dangereux pour les enfants. C'est comme les cigarettes, tout le monde sait qu'à l'époque c'était pas dangereux, même les bébés pouvaient en prendre. À l'époque de la 5 de Silvio Berlusconi, on était loin des 15 minutes d'écran par jour recommandées pour les plus jeunes. D'ailleurs 15 minutes d'écran c'était pas possible, c'était le temps d'une pub. La voix de Claude Lombard, pour ceux qui ont grandi dans les années 80, c'était l'équivalent de la sonnerie de la récréation, mais chez soi. Le plus souvent, en sortant de l'école, on courait avec un cartable trop lourd sur le dos pour ne pas rater le générique du début. Parce que les plus jeunes auditeurs occupés aujourd'hui à harceler les enfants nés en 2010, bande de petits cons, ne peuvent pas imaginer. Mais à l'époque, les dessins animés, c'était un rendez-vous, un train Ouigo qu'on pouvait rater. Fallait être là. On n'avait pas de Netflix, de Gulli ou de Cartoon Network. C'était un plat unique à heure fixe. C'est d'ailleurs pour ça que notre génération a très bien vécu le confinement. On avait l'habitude de ne pas avoir le choix. Et celle qui nous faisait passer tout ça, c'était Claude Lombard, qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 76 ans. Soit 7 ans de moins que Jean-Pierre Elkabbach, qui vient de faire sa rentrée d'intervieweur politique sur Europe 1. Je dis ça, je dis rien. Claude Lombard, c'est aussi celle qui chantait ça. J'aime la gym. Essayer de sauter, de danser. C'est très dur, mais j'y arriverai. Mais aussi ça. J'en passe et tellement d'autres, c'est tube sur tube. Claude Lombard n'a pas fait que chanter des programmes jeunesse, elle a aussi accompagné Charles Aznavour en tant que choriste. La plus grande partie de sa carrière, on était donc à une chanson près qu'Aznavour nous chante Lucille embrasse-moi. Alors bien sûr, vous allez me dire, cette chronique sent bon la nostalgie gloubi-boulga des années Récréa 2 et Club Dorothée. Claude Lombard, c'est le doudou des cadras désemparés face à un monde qui change. Mais si je vous dis que Claude Lombard a en plus été la directrice musicale des chansons de La Belle et la Bête, de La Reine des Neiges ou encore de Vaiana, vous comprendrez que ce n'est pas seulement une génération qu'elle a marquée de sa joie de vivre et de son talent, mais tout un arbre généalogique qui à un moment ou un autre a fredonné une de ses chansons. Madame Claude Lombard, merci de nous avoir fait rester un peu plus longtemps de grands enfants. Et merci de nous avoir mis ces jolies musiques en tête, Frédéric Sigrist. France Inter.